Rossisco s'engage à déménager des familles du quartier sud de Malartic. Oui, ces familles habitent près du mur qui sépare la ville et la mine à ciel ouvert. L'entreprise va également construire une cinquantaine de nouveaux logements pour reloger les locataires de ce secteur. L'entreprise a rencontré les citoyens hier soir lors d'une rencontre à Malartic, mais l'investissement de près de 15 millions de dollars ne fait pas l'unanimité auprès des résidents du quartier. Sandra Ataman était sur place. Non, ça passe pas. À la sortie de la rencontre, qui a duré environ une heure, des citoyens du quartier sud de Malartic semblent insatisfaits. Le porte-parole, Régent Goyette. On s'estime de la même affaire depuis le début, puis nous retournons encore à la même offre du début qu'on a refusé. Il nous ramène toujours à cette offre-là. Il est prêt à acheter juste le petit triangle qui fait son affaire, d'attitude. La compagnie offre de reloger une quarantaine de familles situées près du complexe minier, c'est-à-dire entre la rue de la Paix et la rue Frontenac. Les propriétaires ont le choix de vendre leur maison ou d'être déménagés dans une nouvelle résidence. Osisco souhaite aussi construire des immeubles à logement pour la cinquantaine de locataires du quartier. Le vice-président finance de la corporation minière Osisco, Brian Coates. C'est un investissement qu'on estime aujourd'hui à environ 15 millions de dollars. On a quand même une quinzaine de maisons qu'on est prêt à voir si on est capable de conclure une entente pour échanger. On est en pleine négociation. On a acheté environ 5 maisons la semaine dernière. Le maire de Malartic, André Vezeau, est pour sa part satisfait. Personne n'avait l'air choqué dans la salle. Tout le monde avait l'air d'avoir bien compris la situation. Puis on a eu des offres extraordinaires. Donc pour nous, c'est gagnant-gagnant. On a des immeubles neufs, puis on garde nos citoyens. Mais pour les citoyens concernés, les offres sont insuffisantes. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Qu'on reste solidaires. On reste solidaires à nos gens, puis à nos 39 personnes dans notre dossier. Sandra Ataman, Radio-Canada, Malartic. Par ailleurs, la compagnie forestière Tembec a annoncé hier la fermeture permanente de sa série de tâcherons en Abitibi-Ouest. Cette installation était fermée temporairement depuis octobre.